Eh bien, bonsoir. Ce soir, je vais interviewer... On va parler un peu de mutation ce soir. On va pouvoir enfin savoir ce qu'est un mutant. On va commencer par les périodes de questions. C'est-à-dire que il y a des questions au début pour ceux qui ne sont pas encore habitués au nouveau système. Comme les thèmes sont déjà connus à l'avance, vous pouvez rédiger vos questions chez vous cette semaine ou la semaine précédente ou quand vous voudrez ou en arrivant ici avant le début de la conférence. Nous remettre vos questions, on va y répondre. Et puis aussi, pendant la pause, vous pouvez créer d'autres questions pour la deuxième période. On répondra aussi à ces questions-là. Commencer par une première. L'ego passe-t-il toujours par la pensée pour s'exprimer dans le corps? Bon. Alors, brièvement, tu me le laisses? Oui. Je vais me connaître un peu plus. Alors, l'ego, c'est la partie qui s'identifie chez l'homme. C'est normalement, quand on parle de l'ego, l'ego, c'est vous. Alors, l'ego, c'est Charles. Charles est un ego. Maintenant, l'ego peut être égoïque, c'est-à-dire qu'il est conçu à partir des schémas réincarnationnels qui, normalement, permettent la réincarnation du vivant des deux parents qui l'ont conçu. La mère transmet son expression égoïque par le biais des hormones dans son sein lorsqu'elle porte le bébé. Et la constitution des deux corps physiques, du père et de la mère, engendrant un troisième corps, celui de l'enfant, permet aussi la constitution d'une espèce de forme, le corps physique, qui va attirer du monde de la mort des entités qui vont avoir la capacité de s'exprimer dans ce corps. Un cerveau intelligent permet la réincarnation de mémoire d'êtres humains du passé, d'êtres humains intelligents. Un cerveau qui n'a pas la faculté d'exprimer l'intelligence ne permet pas ce genre de réincarnation. Lorsque nous parlons d'ego, l'ego peut aussi être égocentrique, c'est-à-dire que l'ego va attirer tout ce qui passe autour de lui vers lui. Et normalement, lorsqu'on parle d'un individu, celui qui se dit « je » ou « moi », celui qui va prétendre avoir un libre-arbitre, c'est l'ego. C'est l'ego de l'homme. C'est l'ego de la femme. L'ego est un amalgame assez densifié, assez solide d'expériences mémorielles qui ont été accumulées à partir de votre conception jusqu'à maintenant. L'ego est dans un véhicule qu'on appelle l'âme, et l'ego flotte dans des mémoires volatiles, qu'on appelle aussi l'expérience. Autour de l'âme, autour de l'ego, autour des mémoires volatiles, il y a une enveloppe, le périsprit, qui protège l'ego, qui protège l'âme, et qui vous permet de vous asseoir les uns à côté des autres, sans vous influencer trop. Ça influence toujours un peu. L'ego passe-t-il toujours par la pensée pour s'exprimer dans le corps? Bien, il se trouve que l'ego ne passe jamais par la pensée pour s'exprimer dans le corps. Alors, c'est une question d'une densité relativement haute. Alors, je vais expliquer. S'il y a des questions, des interventions, tu ne te gênes pas. L'ego ne s'exprime jamais par la pensée parce que la pensée n'appartient pas à l'ego. Autrement dit, la pensée n'appartient pas à l'homme. L'homme s'exprime par la gestuelle. L'homme s'exprime par ce qu'il appelle la pensée. Mais dans ce qui est exprimé par la pensée, il y a à peu près tout sauf l'homme. C'est-à-dire, la pensée est conçue par l'énergie de l'homme, mais la pensée est formée par une manipulation du monde de la mort qui n'appartient pas à celui qui conçoit la forme de la pensée, l'homme. Alors, autrement dit, l'homme pense qu'il pense, mais ne pense pas. L'ego étant l'homme, l'ego étant la partie densifiée chez l'homme, l'ego s'imagine donc penser. Un ego s'exprime par une seule voix, la voix hypothalamienne au niveau du cerveau. La voix hypothalamienne, elle permet l'expression endocrinienne et exocrinienne de l'ego, c'est-à-dire que chaque fois qu'un ego veut s'exprimer, jamais par la pensée, l'ego va dire « je hais ceci ». Par contre, l'ego va s'exprimer par le corps physique et va sécréter des hormones qui vont amener l'expression biologique du corps. Et là, je vais me rendre compte que la personne me hait, mais elle n'a pas besoin de le penser. Par contre, dans sa pensée, il peut aussi y avoir la haine. Et là, l'ego pense qu'il me hait. L'ego a la capacité d'auto-énergiser l'idée qu'il me hait, mais là, il est totalement manipulé par le monde de la mort, totalement manipulé par un égrégore national qui le rend raciste, un égrégore spirituel qui le rend raciste du point de vue de la spiritualité. Il peut, par exemple, ne pas m'aimer. Un égrégore marginal, un égrégore planétaire, un égrégore local, un égrégore familial, un égrégore politique, un égrégore de gang, un égrégore de groupe. L'être humain étant manipulé, l'ego étant manipulé, dans la pensée, dans ce qui semble communiquer à l'ego, l'information que l'ego pense créer lui-même, il n'y a que de la manipulation. Or, j'ai expliqué pour ceux qui ont fait le séminaire, je crois que c'est relativement clair. Je vais maintenant essayer d'expliquer d'une façon encore plus facilement compréhensible cette mécanicité. Je dis souvent que lorsque l'on veut dormir et que on ne peut pas s'endormir parce que ça pense dans notre tête, eh bien, c'est la preuve que la pensée, nous n'en sommes pas le maître. C'est la preuve que ce n'est pas notre pensée. Ça pense dans notre tête. Lorsque l'on veut se concentrer et qu'on est toujours distrait, ce n'est pas nous. Nous savons ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas. Nous sommes donc manipulables et manipulés. Nous voulons dormir. Nous ne pouvons pas. Ça pense tout seul. Alors, nécessairement, la pensée n'appartient pas à l'homme. La pensée, c'est une structure énergétique constituée dans l'âme et qui permet une communication entre le monde de la mort qui a permis la réincarnation de cette âme et l'ego qui est la réincarnation du monde de la mort. Dans l'âme, il y a donc l'ego, le « je », le « moi ». Dans l'âme, il y a un canal qui est normalement énergétiquement assujetti à votre nom, prénom, nom de famille. Et dans le périsprit, il y a une petite partie qui s'appelle la structure même de la pensée et qui est en contact avec le monde de la mort. Alors, un individu n'a pas peur, il est assis relativement bien chez lui et à un moment donné, eh bien, il sursaute, il vient d'entendre un bruit. Ce bruit, il peut l'entendre régulièrement, mais ça ne le tracasse pas. Ce soir, il a peur. Dans sa pensée, naît plusieurs choses. Voilà, n'importe quoi. Il regarde la télévision et là, il va associer des nouvelles avec les bruits qu'il entend. Mais normalement, il ne fait pas ça. Sauf que ce soir, il le fait. Pourquoi? Parce que ce qui le manipule du monde de la mort, ce soir, est quelque chose qui vit la peur. Et nécessairement, l'ego, dans sa pensée, connaîtra la peur. Et là, il pourra dire, j'ai peur. J'ai déjà expliqué de quelle façon manipule l'homme. J'ai rencontré dans des pénitenciers des gens qui ont commis des meurtres, des gens qui ont commis des viols, des gens qui ont commis des vols. Et la majorité ne savent pas ce qui les a pris. C'est ça. « Qu'est-ce qui m'a pris » est un mot populaire pour vouloir dire « qu'est-ce qui m'a possédé ». Alors, ils ne savent pas qu'est-ce qui les a possédés. Parce que dans le cas d'une personne qui commet un meurtre, un viol, et qui par la suite ne comprend pas pourquoi elle l'a fait, c'est pas juste « qu'est-ce qui m'a pris », c'est « qu'est-ce qui l'a possédé ». Alors, la personne, elle était en train de se promener et à un moment donné, dans sa tête, la manipulation, elle a dit « je vais violer cette fille. » Étant donné que la manipulation parle avec le mot « je », l'individu pense que c'est lui, et l'ego s'associe à cette idée parce qu'il a de l'orgueil, c'est-à-dire qu'il a de l'identification dans le mot « je », et parce que « je veux violer cette fille » apparaît dans sa tête, eh bien, il n'est pas pour renier le « je », alors il pense qu'il veut violer la fille. Et lentement, il se fait manipuler à travers le mot « je » et « moi », et il viole. Et par la suite, la partie manipulatrice s'éloigne et il ne reste que la mémoire expérientielle du viol ainsi que les mémoires qui l'ont constitué jusqu'à date et l'ego ne comprend pas pourquoi il a fait cela. Oui? Parce que tu donnes des exemples de mauvais gestes qu'on peut poser, mais on peut aussi penser à des bonnes choses. Disons, un inventeur comme Einstein a inventé au moment où il les a inventés, en tout cas, c'était des bonnes choses, ça peut avoir étudié ensuite, mais bon, est-ce vrai, que mais sa pas pensée Einstein. À lui, c'était la sienne ou c'était celle d'un autre? Non, c'est vrai, mais pas pour Einstein. Albert Einstein, il n'a pas inventé, disons qu'il a amené des théories. Et Albert Einstein était en contact avec sa propre intelligence, son propre esprit. Il ne pensait pas, il parlait ou il écrivait, mais il ne pensait pas. Albert Einstein a commencé à penser plus tard, lorsqu'il a commencé à vieillir, et lorsque les gens ont commencé à refuser toutes ses théories, alors il a commencé à penser pour pouvoir aligner ses théories de façon à ce qu'ils soient acceptés, donc à altérer ses théories de façon à ce que l'extérieur scientifique les accepte. Et là, il a commencé à penser. En dernier, il est arrivé à certaines conclusions, et on sait aujourd'hui que ces conclusions-là étaient fausses. Lorsqu'il était jeune, il avait raison, même si on l'avait refusé. Et en vieillissant, il a fini par accepter des changements, et là, il a eu tort. Alors, Albert Einstein, c'est autre chose, est en contact avec intelligence instantanée dans la majorité des cas de ce qu'il a amené au niveau de la planète, au niveau des choses qu'il savait sans jamais avoir expérimenté, qu'il savait sans jamais avoir prouvé. Et il donnait aux autres les manières, les moyens de prouver ce qu'il disait. Lui, ce n'était pas nécessaire. Mais si on regarde effectivement les inventeurs, les créateurs, les personnes qui font des bons gestes, bon, je vais donner aux pauvres, je vais aider telle personne, je vais améliorer le système social de tel pays, ou je vais simplement améliorer la bouteille de lait pour les bébés, de façon à ce qu'ils cessent de boire de l'air. Une invention québécoise, le petit sac en plastique. Eh bien, ces personnes-là sont effectivement manipulées. L'ego ne fait rien là-dedans. L'ego n'a pas la capacité d'inventer du neuf à partir du vieux. D'ailleurs, on ne peut pas rien faire de neuf à partir de quelque chose de vieux. On peut transformer le vieux et on dit c'est du neuf, mais ce n'est pas du neuf. Lorsqu'un ego inventeur, un ego créatif commence à fonctionner, c'est la même chose pour un peintre, ou pour un sculpteur ou un chanteur, eh bien, il attend. Et puis, à un moment donné, bien, l'inspiration vient. Et l'inspiration, c'est justement relié de certaines façons au niveau spirituel au phénomène de la respiration. Parce qu'en inspirant, on inspire des molécules d'oxygène, entre autres, et de carbone. Et j'ai déjà expliqué ici que la majorité de l'expression astrale était transmise atomiquement par la molécule de carbone et d'oxygène. La transmission supramentale est surtout faite par les molécules de gaz rares, en l'occurrence l'hélium, le radon, le xénon, etc. Alors, lorsque l'être humain sur la planète respire et expire, il expire du gaz carbonique et de l'oxygène, et d'autres personnes vont nécessairement inspirer ces molécules-là. Et de temps en temps, il y a des personnes qui ont une inspiration, justement, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir affaire à de l'information codée sur les molécules de carbone et d'oxygène. Ils les inspirent et le corps les décode par le biais du périsprit de l'âme, l'énergie vitale du corps. Et là, ils ont accès à un savoir, un phénomène bizarre. Alors, on a des personnes qui viennent de l'Inde de temps en temps, qui font de la publicité. Une certaine femme, entre autres, où tu ne fais que t'asseoir à côté d'elle, elle ne te dit pas un mot. Et après 15-20 minutes, tu sors de là, toute épanouie, toute calme. Ça marche. Tu respires son atmosphère, c'est simple, ça marche. Il y a aux Indes, c'est relativement fréquent. Il y a beaucoup de personnes, Yogananda a fait ce genre d'expérience et plusieurs autres, ceux qui ont connu Aurobindo et Mère, c'est la même chose. S'assoyait simplement dans un ashram, puis le bonhomme ou la bonne femme ne disait rien, mais il respirait. Technique de respiration, qu'il disait. Et ça amenait l'humain à un certain extase. Ah oui, le bonhomme ou la bonne femme. Ça marche avec lui, mais ça ne marche pas quand quelqu'un qui est plus là. Non, par contre, exactement. Alors, pendant que tout le monde est dans l'ashram, lui, technique de respiration, mais en réalité, il fait simplement, il s'hyperventile, donc il met un peu plus de lui-même à l'extérieur. Et les gens en technique de respiration, bien, inspirent un peu plus que lui émet, et nécessairement, tout le monde finit par être assujetti un peu à l'idée du maître. Si le maître est convenable, l'idée est convenable, et on fait rapport à l'inspiration. Mais il y a une autre forme d'inspiration qui est une inspiration énergétique, donc amique, reliée à l'âme. Et là, on a dans la pensée de l'individu, l'individu est chez lui, et il attend. Et puis, il prend son crayon ou il veut créer quelque chose, il veut amener des idées neuves. Et puis, à un moment donné, bien, ça part. Eh bien, tout ce qu'il a fait, c'est que l'âme a le périsprit. Le périsprit a un petit canal. Ce canal-là, c'est le canal réincarnationnel. Lorsque l'être humain mute, et on va en parler encore ce soir, il arrive à développer un nouveau canal qui s'appelle l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, lui, peut entrer en contact avec le monde de la mort et donner une inspiration énergétique comme le canal réincarnationnel. Par contre, l'ajusteur de pensée n'est pas limité au monde de la mort. Il peut traverser le monde de la mort et entrer en contact avec l'énergie supramentale, l'esprit saint de l'Antiquité, l'intelligence active, ce qu'Albert Einstein avait comme contact de temps en temps. Et lorsque l'individu, par l'ajusteur de pensée, arrive là, c'est plus d'inspiration. Il démolit son ego. J'appelle cela l'anégoïsation. Et lentement, il devient un être humain nouveau, un homme nouveau, une personne mutée. Alors donc, ce contact avec le monde de la mort, cette forme de manipulation, l'individu n'est pas au courant de ce qu'il fait. L'individu ne dit pas « je vais créer tel paysage ». Il attend. Et certains vont attendre de le visionner avant de pouvoir le transmettre, parce qu'ils doivent expérimenter encore plus, sont de plus en plus morts. Celui qui doit visionner avant de transmettre est plus mort que celui qui transmet instantanément quelque chose qui provient du monde de la mort. Alors, ce ne sont pas encore des pensées, l'ego ne pense pas. L'ego est coloré par la pensée du monde de la mort, qui habite nécessairement l'être humain. Alors, l'ego pense ce qu'il pense. Comment on fait pratiquement pour savoir que lorsqu'on réfléchit ou lorsqu'on pense, on est en contact avec le monde de la mort ou on est en... Bon, de toute façon, lorsque l'on réfléchit, on est mort, c'est-à-dire qu'on est en contact avec le monde de la mort. Il ne faudrait jamais réfléchir. Exact. Il ne faudrait jamais réfléchir. Voyez-vous, il y a une technique dernièrement, il y a un petit cours que j'ai donné à certaines personnes sur justement l'ajusteur de pensée. Et à l'intérieur de ça, il y a des techniques où on explique des mécaniques pour arriver à rejeter l'âme carrément à l'extérieur de notre corps. Et donc, de cette façon, on arrive à rejeter l'ego et nécessairement le phénomène de la pensée. Alors, l'individu qui y parvient, et ça, 100% des gens y arrivent, l'individu qui y parvient, il est vide, il ne pense plus, il est toujours vivant, il sait qu'il est là, il n'y a plus rien à dire, parce que présentement, son canal n'est pas encore connecté avec quelque chose, le canal de l'ajusteur de pensée, il est dans le plan moronciel, donc il n'y a rien. Par contre, il se réénergise. Alors, il est bêtement assis. Le mari idéal. Non, la femme idéale. La femme idéale. Je le disais pour les femmes, là. Ah oh, oui, je sais bien, c'est mon appétit ajusté. Oui. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la méditation, par exemple, transcendantale ou d'autres formes de méditation, c'est-tu vers ça un peu que ça amène? Que pendant que tu te répètes le mantra, tu penses à rien sauf au mantra qui veut rien dire. La méditation transcendantale, c'est un coup fourré à l'évolution. La méditation transcendantale, c'est un phénomène intéressant qui a été amené par, je l'appelle Mahesh Yogi, mais c'est Maharishi Mahesh Yogi. Eh oui, c'est plus rapide. Son frère. Son frère. La méditation transcendantale, ce qu'elle fait, c'est ceci. Premièrement, elle omnibule totalement la pensée de l'homme par la répétition de mantra. Étant donné que l'être humain occidental n'a pas la capacité de se faire confiance, donc il vit d'un médiocrisme continuel au niveau de son évolution. Il y a des personnes qui me posent des questions en séminaire et je leur dis carrément, ben, je ne te réponds pas, tu le sais. Ah oui, mais j'aimerais juste, t'aimerais que te le faire confirmer. Ben c'est ça. Ben je te le confirme. Ah oui, mais je n'ai pas posé ma question. Non, ça ne change rien pareil. Bon. L'être humain vit d'un médiocrisme. Alors, j'arrive devant toi qui dois me donner mon mantra. Alors toi, tu pourrais me dire, ben trouve-toi quelque chose puis répète-le. Je ne ferai jamais confiance à ça. Non, non, bon, carafe. Ça marche. Ah oui. Sauf que moi, je voyons donc. Fait que là, tu vas dire, ben, paye-moi 500$, je vais te dire un mot. Donne 500$, toi, tu t'attends, un mot qui rentre, tu les donnes. Carafe. Alors moi, ah, carafe, OK, c'est mon mantra que mon maître m'a donné. Là, je suis content. Mais c'est la même chose. Je m'en vais chez moi, je me sois sur une chaise, et puis je commence, disons, 20 minutes, deux fois par jour, à répéter le mot carafe. Qu'est-ce qui arrive? C'est une espèce de démarche flottante mentale. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais ça se rapproche un peu de méditation transcendantale, ou par la répétition continuelle d'un mantra, d'un mot, l'individu finit par créer la résonance exclusive de ce mot dans ce qui normalement sert de réceptacle à la pensée, c'est-à-dire ce qui sert de canal réincarnationnel par rapport au monde de la mort. Étant donné qu'il n'y a que le mot carafe qui résonne là-dedans, le monde de la mort finit par, il y a des aides contrôle dans le monde de la mort qui finissent par chercher qu'est-ce qui dans le monde de la mort peut entrer en correspondance avec la vibration carafe, et tout ce qu'ils ont à mettre là-dedans, c'est carafe. Alors donc, la pensée étant totalement omnibulée, tout le monde de la mort au complet reste tout à fait connecté, mais n'a plus la possibilité d'entrer en contact avec la pensée de l'humain. Alors, immédiatement, l'ego se voit déconnecté du schéma réincarnatif, donc il n'est plus manipulable, il n'est plus relié, ce phénomène du monde de la mort, dans l'idée de la manipulation, même s'il reste relié au niveau du canal, et nécessairement, le monde de la mort a donc une forme de déconnexion manipulatrice par rapport à l'humain. Alors, il arrive quoi? L'ego se retrouve donc seul dans ses mémoires volatiles et pour la première fois de sa vie, il n'est plus en contact avec le monde de la mort. Bon, c'est quelque chose que l'on peut faire par d'autres techniques, mais la méditation transcendantale, l'avantage qu'elle a eu, c'est qu'elle a permis à la majorité des Occidentaux qui l'ont pratiqué de faire un bond massif dans leur évolution sans savoir ce qu'ils faisaient et sans avoir à comprendre ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas nécessaire à l'époque. De vivre pour la première fois, d'être déconnecté. Voilà. Quand j'ai dit un coup fourré, c'est-à-dire que l'être humain ne savait pas ce qu'il faisait, mais c'était génial. Maintenant, la majorité des individus n'ont plus besoin de cette technique, pas tous, mais la majorité, parce qu'ils ont muté suffisamment, ils ont cellularisé certaines formes de leur évolution, et ils n'ont plus besoin de... Ils peuvent passer à une technique plus efficace, une technique qui maintenant étrangle le canal, ça laisse la liberté de la pensée dans la tête de l'homme pour que l'ego apprenne, avec ce qui reste de pensée, à s'en égoïser. Et ça permet à l'ajusteur de pensée de travailler au niveau de la pensée, ce que la méditation transcendantale ne permet pas. Alors, la méditation transcendantale, ce fut génial comme étape au niveau de l'humanité. C'est une manipulation drôlement intéressante qui obligeait l'ego à avoir une déconnexion au niveau de sa pensée. Alors, si on conclut, l'ego ne pense pas, l'ego pense qu'il pense, et l'ego ne s'exprime que par le corps physique, par la gestuelle, par la crispation musculaire, par les phénomènes hormonaux, l'accélération cardiaque, l'accélération du péristaltisme, quand tu vas vite, la transpiration, la rougeur, la blancheur, etc., etc. L'ego s'exprime par là. L'ego s'exprime par le corps. Est-ce que l'électromagnétique est le véhicule de l'énergie hominale? Ensuite, il y a une deuxième question. Bon, une question en fait. Je vais te laisser lire ça. Tu reconnais l'écriture? Ça, c'est écrit par un humain. C'est ça. Est-ce que l'électromagnétique, magnétisme, est le véhicule de l'énergie hominale? Non. L'électromagnétisme, c'est un magnétisme, un champ d'énergie vitale engendré par le passage d'électrons ou la circulation d'électrons à travers des constituants atomiques, en l'occurrence un fil de fer normalement. On a d'autres formes, ça c'est de l'électromagnétisme. On a aussi de l'énergie électromagnétique d'un autre ordre, celle du magnétisme tout court qu'on appelle électrostatique, et qui va être engendré par, encore une fois, le déplacement d'électrons à travers des constituants matériels particuliers, En l'occurrence, quelque chose de plastique frotté sur nos cheveux ou des choses comme ça. L'énergie minale, c'est de l'énergie de type vital, comme on a l'énergie yin, l'énergie yang, qui est yin tellurique, créée par la planète Terre, yang solaire, créée par notre énergie soleil. Et on a aussi l'énergie minale qui est créée par l'homme et qui est captable surtout par les parties médiales du système nasal et qu'on peut arriver à contrôler lorsqu'on a une bonne respiration intercostale. Les muscles intercostaux ici, que la majorité ne contrôle pas. L'énergie minale, elle est surtout transmissible par la respiration. Dans l'air, il y a cette émission. L'énergie électromagnétique, c'est une énergie, si on parle par exemple de la structure matérielle, comme les champs électromagnétiques pour nous guérir, eh bien, si on est extrêmement malade, ces champs peuvent augmenter un peu notre potentiel d'énergie vitale et nous rendre moins malades. Si on n'est pas assez malade, ils vont nous rendre plus malades. C'est-à-dire que le champ électromagnétique vous amène à un état, disons, 3. Si vous êtes malade à un état 5, il vous remonte à l'état 3. Si vous êtes malade à l'état 2, bien, il vous descend à l'état 3. Lui, il vous mène à l'état 3. Alors, si on parle d'énergie minale, non. Maintenant, si on parle du magnétisme animal humain, là, on communique de l'énergie minale. Ce n'est pas de l'électromagnétisme, c'est du biomagnétisme. Et là, on communique l'énergie minale. Est-ce que c'est une énergie qui se mesure en puissance, en ohm, en millivolt, en microvolt? Est-ce que ça se mesure avec un instrument comme un voltmètre? Non. Disons, un voltmètre extrêmement perfectionné qu'on appelle un électroencéphalogramme. Oui. Avec ça, on peut le mesurer ou avec d'autres appareils qui détectent l'énergie vitale. Il y a certaines formes d'appareils maintenant que l'acupuncture se sert, qui détectent le yin et le yang, et on a des appareils. Lorsque ces appareils-là sont perturbés, là, ça marche mal, on détecte mal les points d'acupuncture cutanée. Bien souvent, c'est l'énergie minale qui détecte, mais les acupuncteurs ne connaissent pas encore cette Est-ce que c'est le bruit qui fait un scillement au moment où les acupuncteurs utilisent leur aiguille? On entend la machine qui scille. Non, là, c'est le transformateur de... Transformateur de la machine, mais je veux dire, la machine, c'est ce qu'elle essaye de mesurer? Oui. L'énergie minale? Que veut dire le rire dilate l'arate en rapport avec l'énergie solaire, l'imagination et la thérapie du rire? Bon. Premièrement, quand on rit, l'arate est extrêmement motivée, elle se relaxe et lentement elle gonfle. Alors, donc, le rire dilate effectivement l'arate. Maintenant, quand on dilate trop l'arate, ça crée des problèmes. Des problèmes qui, jusqu'à un certain point, peuvent être mortels. Mais là, évidemment, il faut rire à mourir de rire. Bon. Sûr. En rapport avec l'énergie solaire, l'imagination et la thérapie du rire. Étant donné que le rire dilate la rate, ce n'est pas parce que nous rions que la rate se dilate. Il faut comprendre toute la mécanique, qui c'est un petit peu long à expliquer, la mécanique de l'interpréteur actionnel qui permet à notre ego de vivre certaines relations intra-amiques que nous appelons émotions et de transmettre ces émotions à une partie du périsprit que j'appelle l'interpréteur actionnel. Un phénomène énergétique qui interprète les messages de l'ego pour les transmettre en messages animés, corporels. Alors, lorsque j'ai soif, eh bien, je prends le verre et je bois. Je n'ai pas besoin de canaliser l'énergie pour contracter le deltoïde, une partie du dorsal, une partie du pectoral, le rond pronateur, etc. Je n'ai qu'à boire. Je n'ai pas besoin de structurer la gestuelle de mon corps physique. Je n'ai qu'à avoir l'idée et l'interpréteur actionnel transmet tout cela et l'amène. L'interpréteur actionnel, c'est une partie de notre périsprit, énergie vitale qui entoure l'âme, localisée au niveau de notre cortex cérébral, entre autres, et d'une partie de l'hypothalamus. Et il va décoder et transférer du point de vue dépolarisation neuronique ou conduction nerveuse des choses de mon ego. Lorsque je ris, il y a partie de mon ego qui s'exprime dans une région très particulière de l'interpréteur actionnel, et il y a juste l'homme qui peut arriver à rire. Et lorsque cela est fait, cela engendre une émission d'énergie vitale particulière au niveau de mon corps physique, en l'occurrence dans certaines régions très particulières qui sont des condensateurs d'énergie hormonale, en l'occurrence la rate. La rate, elle accumule beaucoup de choses, c'est un réservoir sanguin de toute façon, et elle accumule des hormones. Certaines hormones vont être émises lors d'expressions malsaines de mon ego, et je vais lentement avoir un exemple, je suis stressé. Étant stressé, je sécrète des hormones particulières et cela s'exprime dans mon corps physique. J'ai donc un corps qui va être rigide, j'ai un corps dont le cœur va un peu plus vite, j'ai un corps de stressé. C'est une réaction endocrinienne hormonale. Mais il y a toujours un petit peu d'hormones qui vont être stockées au niveau de mon corps physique, en l'occurrence de la rate. Et lorsque je suis relax, eh bien, à un moment donné, dans la rate, mon sang circule et ça peut libérer certaines hormones. Et là, j'aurai l'impression d'être stressé, Parce que le corps réagit à ses hormones, mais mon ego n'est pas stressé. Parce que mon corps réagit à ses hormones, je me sens stressé. Parce que je me sens stressé, mon ego pense qu'il est stressé, puis le cave, bien, il devient stressé. Alors, la thérapie par le rire, ce qu'elle engendre, c'est qu'elle engendre une dilatation de la rate qui permet une meilleure circulation sanguine à l'intérieur de la rate. Et nécessairement, cela nettoie la rate. Nettoyant la rate, et ça nettoie aussi d'autres parties du corps physique, mais on parle de la rate pour l'instant. Nettoyant la rate, cela donne donne à mon corps physique différents symptômes de problèmes. Je peux pleurer, je peux devenir stressé, je peux avoir de la misère à respirer, bref, j'ai différents symptômes pathologiques dépendant de ce que j'avais stocké au niveau de la rate. Étant libéré par l'accumulation sanguine, nécessairement le cœur se met à accélérer, il y a tout un paquet de choses qui vont être en relation avec ce que j'aurais stocké au niveau de la rate, et ça permet à mon corps physique de brûler ces hormones, donc d'agresser vitalement la structure vitale ou atomique de l'hormone et de la muter, de l'éliminer. Alors, la thérapie par le rire, elle a de très bons résultats quand l'individu ne souffre pas de trop rire, évidemment. Est-ce que la fusion et l'illumination, est-ce que c'est un choix que l'on peut faire ou y sommes-nous prédestinés? Les deux ne peuvent-ils pas s'harmoniser? Ben, si on est prédestiné, il faut faire un choix. Ça, c'est tout à fait biblique, ça. Ça, c'est biblique tout à fait, ça. Vous avez le choix de faire ça, puis je vous demande d'en faire ad vitam aeternam, ou de faire ça, puis là, on verra la récompense. C'est tout à fait biblique, ça. Être prédestiné et avoir le choix. Je choisis ce que je n'ai pas le choix. Voilà. C'est le libre arbitre. C'est ça. Est-ce qu'on a le libre arbitre d'avoir le libre arbitre? Non. Alors, la fusion et l'illumination. L'illumination et la fusion, c'est deux choses. L'illumination, c'est lorsque l'ego expérimente un contact avec l'intelligence supramentale. L'illumination, elle est de plusieurs ordres. Il y a trois ordres différents, trois niveaux différents d'illumination. Et lorsque l'être humain expérimente l'illumination, c'est l'ego qui l'expérimente. Et normalement, il y a une coupure de contact par la suite parce que l'ego est extrêmement emballé par ce qu'il a eu comme contact. Et là, il pense que c'est lui, il pense qu'il est privilégié, il pense qu'il est prédestiné, il pense qu'il y a un don, il pense que... Ben, bref, il tripe orgueilleusement sur son contact et il le perd. La fusion, c'est lorsque l'être humain, dans son évolution, arrive à s'anégoïser suffisamment pour que l'ego soit détruit. L'ego étant détruit, il poursuit son involution. Involuant, il devient de l'énergie vitale, la partie inférieure, la première partie inférieure à l'ego, à l'âme. Et devenant de l'énergie vitale, il finit par être tellement vitalisé, le corps physique et le corps vital, que cela va engendrer une expression extérieure dans le corps, dans le plan moronciel. Et ça va créer une copie conforme du corps atomique de l'homme. C'est le double éthérique. Lorsqu'il y a un double éthérique constitué dans le plan moronciel, l'homme est immortel. C'est-à-dire, et on va revenir prochainement dans une conférence sur ce phénomène de la double mort, l'être humain peut perdre son corps physique, mais ce qui reste de l'âme ne gagne pas le monde de la mort, mais gagne le double éthérique, et l'être humain pourra se réincarner d'une façon unitaire, se rappelant ce qu'il était avant. La fusion, c'est lorsque le double éthérique se rapproche du corps physique, lorsque le double éthérique est suffisamment constitué, pour venir habiter le corps physique. Et là, il y a une fusion totale entre le double éthérique qui permet le contact avec l'intelligence supramentale et le corps physique qui permet un contact avec le plan planétaire. Parce que l'être humain a vécu une fusion complète et totale, et il a une conscience bilocalisée, c'est-à-dire qu'il vit dans le monde extraterrestre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas créé par le plan planétaire, je ne parle pas des martiens, et il vit dans le monde terrestre en même temps. Donc, il peut comprendre les dieux et il peut comprendre l'homme, ce qui fait de lui un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau total, et qui a la faculté d'amener d'une façon ajustée de l'information neuve qui pourra permettre la mutation à l'échelle de la planète. Si l'on peut faire, que l'on peut faire, est-ce un choix que l'on peut faire? Non. Votre génétique le détermine, et quand vous allez décider de faire le choix de l'homme nouveau, c'est parce que de toute façon, vous y allez. Par contre, l'ego peut faire le choix de l'homme ancien et de toute manière devenir un homme nouveau. Un jour ou l'autre, il devra se dire, bon, ben là, ça vaut pas la peine d'essayer, je souffre plus. Cessons de souffrir, de ne pas souffrir, puis soyons ce qu'on est. Il n'a pas le choix. Sommes-nous prédestinés? Effectivement, l'être humain est prédestiné, il n'a aucun libre-arbitre. Il ne choisit jamais rien, il choisit ce qu'il peut choisir. Qu'est-ce qu'il peut choisir? Ce qu'il choisit. C'est tout. Il ne peut pas faire rien d'autre. L'être humain va dire, bon, tu fumes, toi. La journée que tu as décidé de ne plus fumer, c'est la journée que tu vas pouvoir décider de ne plus fumer. Là, je vais penser que c'est mon libre arbitre. Je vais penser que c'est moi qui ai décidé ça. Eh oui. C'est pas moi qui vais. Non, en réalité, c'est que tu vas décider de ne plus fumer quand tu vas pouvoir décider de ne plus fumer. Sinon, tu vas dire, ben non, j'ai encore le goût. Ah oui, tu ne peux pas faire autrement. Présentement, tu décides d'avoir le goût parce que tu ne peux pas faire autrement que décider d'avoir le goût. Si je te dis « cesse de fumer », tu vas dire « ben là, pour l'instant, là, je ne vois pas de raison ». Tu ne peux pas avoir de raison parce que tu ne peux pas décider de voir des raisons. Quand tu vas dire « ah, ça, ça a de l'allure », ben, c'est parce que tu peux. Et quand tu décides « bon, maintenant, j'arrête », c'est maintenant tu peux décider d'arrêter. Deux secondes avant, tu ne pouvais pas décider d'arrêter. L'être humain pense qu'il fait un choix, mais il fait le choix lorsque, exactement comme dans Le Petit Prince, hein, le bonhomme qui veut être le roi. Eh bien, je t'ordonne de rester assis. Là, tu te lèves debout, je t'ordonne d'être debout. Tu te grattes la tête, je t'ordonne de te gratter la tête. Je suis un roi. Tout ce que j'ordonne est exécuté. Je suis le meilleur des rois. Personne jamais ne contredit mon ordre. Je te dis, lève-toi. Ah, je change d'idée. Reste assis. Voilà. Et j'ai gagné. Eh bien, c'est exactement ce que l'être humain fait. L'être humain, lorsqu'il a été éduqué d'une façon normale, c'est-à-dire malsaine, il essaie continuellement de s'associer à des concepts différents. Alors, c'est vrai, je devrais arrêter de fumer, maudit. Mais il ne peut pas. C'est pas lui qui le décide, il ne peut pas le décider. C'est la manipulation publicitaire ou extérieure des autres qui... Ça ne sert à rien quand c'est prêt, ça arrive. Mais quand ça arrive, c'est pas de la décision de l'humain, ça lui est imposé aussi. Par contre, pourquoi l'humain, c'est ça qui est le problème? C'est pas le succès d'avoir essayé, ça fait six mois que le gars il pense, qu'il réfléchit, qu'il se prépare. On doit arrêter tous les deux en même temps, aujourd'hui. Ça fait 6 mois que je travaille, puis moi j'ai jamais pensé à ça. On arrête en même temps, paf, et voilà. Tu vas dire, ah, t'as plus de volonté que moi. Non, si t'aurais pas travaillé 6 mois, t'aurais arrêté pareil aujourd'hui. Pas question de volonté. La volonté, c'est la faculté que l'être humain souvent de se traîner sur l'asphalte au lieu de en se tenant après le pare-choc de l'automobile, au lieu de monter dedans. Parce qu'il se dit simplement, ben là, je suis pas prêt à être dans l'automobile, fait que je m'accroche après le pare-choc, puis je traîne. Le médiocrisme. Tu essaies d'arrêter de fumer, tu poses ta cigarette, je ne fume plus. Et là, tu vas voir que ton ego, lui, il décide que tu fumes encore. Alors là, tu dis, non, je ne fume pas. Alors, tu prends ton paquet de cigarettes, tu le tasses un peu. C'est trop loin. Bon, après. Voilà. Et tu décides, bon, tiens, moi, je vais faire un coup, je jette tout. Tu jettes tout, mais t'as encore de l'argent. Bon. Et tu jettes pas tes amis qui fument. Voilà. Et là, c'est que tu es prêt à faire ça. Et dans 2 heures, eh bien, tu vas fumer, parce que tu vas être prêt à fumer. C'est tout. Tu te fais souffrir. Le problème qu'il y a chez l'humain, c'est qu'il y a 2 formes d'évolution majeure. L'évolution de l'être humain, l'évolution de l'animal humain. La mutation, elle permet à l'animal de devenir un être humain et d'être assujetti à l'initiation solaire, qui est facile, non souffrante, et qui le désassujettit de l'initiation lunaire, qui est celle que le fumeur connaît lorsqu'il va arrêter de fumer, qui est celle que l'on connaît tout le temps, tout le monde, lorsqu'on chicane, lorsqu'on a des problèmes matériels, des problèmes corporels, l'initiation souffrante de l'animal. Lorsque l'être humain pense faire un choix, pourquoi il doit faire un choix? Parce que c'est de souffrir. Tu décides, toi là, tu fumes. À un moment donné, tu ne voudras plus fumer, parce que ça va être le temps. Paf! Et là, tu vas rentrer à travailler, tu vas sentir ta cigarette, tu vas prendre, tu ne comprendras pas que tu n'as pas le goût, tu vas fumer pareil, mais c'est fini, tu ne fumes plus. Mais tu fumes pareil, tu ne sais pas que tu ne fumes plus. Alors, et là, tu oublies de fumer. Et à un moment donné, tu en as une, tout le monde fume. Tu dis, oh, je n'ai pas le goût, oh, ouais donc. C'est vrai, mais non, là, je suis rendu, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu en prends une. Alors, si tu n'as pas pris la décision de cesser de fumer, tu ne pourras pas supporter ton changement. Tu vas continuer. Ben oui, tu vas dire, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? T'as pas décidé d'arrêter de fumer, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, au niveau de l'ego, l'intelligence procédant par les voies astrales, par les voies égrégoriennes, spirituelles, nationales, morales, publicitaires, familiales, spirituelles, etc., elle finit par engendrer dans le petit réservoir qui ne t'appartient pas, mais qu'on appelle la pensée, l'idée que tu devrais arrêter de fumer. On te prépare à être capable de supporter ta mutation dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 8 ans. On fait que t'es préparé. Alors toi, tu te dis, moi, c'est vrai, ça a de l'allure. Là, moi, j'ai déjà donné souvent l'exemple de la pomme et du gâteau. Tu veux maigrir, tu veux te mettre en santé, mais tu es un grand mangeur de gâteau. Alors, tu rentres chez vous et tu vois la pomme et le gâteau. Hein? Ta femme t'a joué un tour, elle a mis les deux, elle veut voir quelle volonté que tu as. Tu manges le gâteau. Alors toi, tu arrives, tu te dis, il faut que je prenne la pomme. Et maudit gâteau. Bon, tout ce que tu as à faire, c'est de dire que c'est niaiseux, puis mange le gâteau. C'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Il ne faut plus que ça te dérange. Non, faut que tu dises que c'est con. C'est idiot, mais je mange des gâteaux pareil. Puis une journée, ça va être le temps, tu vas dire. Ah, c'est drôle, je parlais pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est le temps. T'as pas souffert. Mais l'humain, normalement, lui, doit être préparé à accepter sa mutation. Alors, on le prépare quelques années d'avance, dépendant de sa structure égoïque, parce que si l'humain, ça lui prend beaucoup de temps à accepter un changement. Il y a des personnes qui suivent des cours à un moment donné ici avec moi et qui subitement viennent me voir et me disent « Ouais, mais là, ça n'a pas de sens. Là, j'ai fait telle chose, là, puis il m'est arrivé telle affaire. » Bien là, je dis « Ben oui, ben c'est ça, c'est l'entente qu'on avait eue, c'est ça. »« Ah oui, mais ben, c'est ça le problème du PMC, c'est que ça marche. C'est un problème majeur. »« Ah oui, mais là, je pensais pas que ça marcherait. Je pensais que tu payais pour un cours, tu suivais un cours, puis ça ne marchait pas. Tu pensais ça. Là, je comprends. » Et là, l'individu est réellement mal pris parce que là… Il est déçu que ça marche. Oui, bien là, ça marche. C'est quel problème? Alors, c'est la même affaire. L'individu doit se préparer. Alors, bien souvent, dans une structure initiatique de type lunaire, eh bien, on prépare des problèmes. Alors, c'est comme tout à l'heure le mantra. 500$, grosse méditation, on essaye 4-5, on sort des cartes blanches, on fait tout un gros charabia pour finalement te donner un mot qui là a de la valeur et qui là va marcher. Alors qu'en réalité, par téléphone, je te le donnais, tu te pratiquais, ça marchait autant. Ouais. Le problème Mais de l'humain... c'est moins pris au sérieux. Oui. Alors, c'est la même chose. Subitement, tu as le goût d'arrêter de fumer, mais tu n'es pas capable. Eh bien, tu dois savoir que ça s'en vient. Mais c'est pas le temps. Puis est-ce que c'est à partir du moment où on se sent toujours coupable, ceux qui font des choses comme ça? On devrait pas. On devrait se sentir coupable de se sentir coupable. Quand ça ne te dérange plus, est-ce qu'il faut que tu atteignes le point où ça ne te dérange plus de dire, parce que de toute façon, comme on n'a pas le libre arbitre, tu ne peux pas influencer tes enfants? Théoriquement, tu ne devrais pas pouvoir les influencer à fumer parce que tu fumes. Pratiquement non plus, tu essaieras de savoir. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de se sentir coupable d'influencer les enfants ou l'entourage, puisque les autres n'auront pas décidé non plus de fumer ou de ne pas fumer. C'est pas toi qui vas avoir fait changer l'idée là-dessus. Non, à partir par du moment où on accepte ça. Oui. C'est-à-dire que c'est pas ta... Que ce soit, là, on parle de fumer, mais que ça peut être fumer ou boire ou faire différentes choses, j'imagine. Est-ce qu'à partir de ce moment-là que tu as accepté ça, que tu es le seul, comme tu dis, de se sentir coupable, est-ce que là, ça va arrêter? Si tu es capable de comprendre l'intelligence de ta démarche, il faudrait que l'être humain arrive à comprendre deux choses. Premièrement, l'âme, ça n'évolue pas. L'âme, c'est la chose la plus stagnante chez l'humain, ça le bloque carrément, ça le barre. L'âme, ça accumule de la mémoire, de l'information, ça nourrit l'ego à l'intérieur qui se prend au sérieux, qui se prend pour un créateur, qui pense qu'il y a un libre arbitre, qui achète des billets de loterie pour ne pas gagner, hein, comme ça, il a raison, il ne gagne pas, c'est pour ça qu'ils achetaient. Il y a un libre arbitre. Et puis là, l'ego, à travers l'âme, est nourri complètement, il s'amuse. Et lorsque l'être humain décide de ne plus souffrir, il faut que l'être humain comprenne qu'il y a d'autres choses chez lui qui commencent à évoluer. L'âme n'évolue pas, l'âme ne mute pas. Qu'est-ce qui mute chez l'être humain? Le corps physique. Beaucoup d'individus disent, oui, mais mon corps physique, c'est ma limitation. Pas de corps physique, je traverserai les murs. Pas de corps physique, je ne serais pas malade. Pas de corps physique, je n'aurais pas besoin de dormir, je n'aurais pas besoin de manger, j'évoluerais bien plus vite. Il y a un problème, c'est que votre corps physique est une limitation, c'est un fait. Pourquoi? Parce que tu dois cellulariser ton changement, le transmettre au niveau du code ADNique, du code génétique de tes cellules, pour que ça t'appartienne. Exemple, tu fais de la méditation transcendantale, et quand tu arrêtes d'en faire après 12 ans de pratique, après un an, ce que tu avais gagné s'en va. Ce que tu avais gagné appartenait à la méditation, jamais à toi. Donc, tu étais l'esclave de la méditation. Parce que tu n'avais pas cellularisé le résultat, tu en as besoin vitam aeternam. C'est un problème. Lorsque l'être humain cellularise, cela veut dire que lorsque l'être humain est capable d'intelligencer un phénomène, il mute. Il cellularise sa transformation. La cellularisant, il la codifie au niveau du code génétique de son corps physique. Alors, il peut abandonner des techniques. Un exemple. Tu as cellularisé le conditionnement physique. Tu n'as plus besoin d'en faire. À 55 ans, tu seras autant en forme que tu l'étais à 22 ans. Parce que tu en as compris l'intelligence? Non, parce que tu en as compris l'intelligence et cela a mené à la cellularisation. Et parce que le pratiquer en comprenant l'intelligence, tu cellularises. Parce que tu as cellularisé, tu n'en as plus besoin. Je prends, moi, un cheval qui s'appelle un Pinto. Bon, et je prends aussi un Palomino. Pas un Palomino, je prends, disons, un Percheron. C'est deux chevaux qui viennent au monde, hein, spermatozoïdes et novules, pouf, ça prolifère au coton, ça s'amuse dans le ventre des juments. Et à un moment donné, ça se fait revoir dehors si l'herbe est fraîche. Bon, pouf, ça vient au monde. Là, j'ai deux poulains. Ils grandissent. Ils ne marchent pas. Ils sont dans le champ, ils broutent de l'herbe, ils courent un peu de temps en temps. Ils ne font pas de conditionnement physique. Le percheron va être capable de tirer 2 tonnes une fois adulte, puis le pinto ne sera pas capable de tirer quelqu'un. Bon, mais ils n'ont rien fait de différent. Le percheron, c'est un cheval de travail. C'est immense. Le pinto, tassez-vous de là. Attache-en 10 pinto, puis le percheron va te les amener dans le bois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas pratiqué plus, il a pas fait d'haltère. La génétique. Dans le percheron, c'est cellularisé la musculature. Il n'y a pas besoin de conditionnement physique. Nous, on a des corps physiques qui sont un mélange planétaire de différents milliards de codes génétiques, de zygotes, etc., qui engendrent des humains qui ont des nez différents, des oreilles différentes, des muscles, des ci, des ça, avec un mélange. Dans une famille, tu as un bâti, un faible, une tapette, un autre. Bon. Celui qui a un corps physique pas fort, il doit faire du conditionnement physique pour le remonter un peu. Pas pour devenir un athlète, mais pour le remonter. Mais en faisant du conditionnement physique, il doit travailler la mutation. C'est-à-dire que, comme la cigarette, comme n'importe quoi, il doit voir l'intelligence de pourquoi il le fait. Je cours, jogging. Pourquoi je cours? C'est la mode. Ça, c'est cellularisé, ça. Quand c'est plus la mode, tu cours plus. Fini. Bon. Je cours pour me mettre en forme. Ah! Pourquoi me mettre en forme? Ben, parce que j'ai besoin d'un bon corps physique. Pourquoi? Pour courir. Tu dois intelligencer ton action. Et à un moment donné, en intelligençant l'action, chaque fois que tu cours. Parce qu'à un moment donné, tu vas courir, tu ne sauras plus pourquoi. Tu cours. Tu reviens. Mais après 2-3 semaines, tu oublies de courir. Tu oublies une journée, tu oublies 2 journées. Tu oublies pourquoi? Donc tu oublies. Finalement, tu ne cours plus. Des bonnes résolutions qui partent aux poubelles. En intelligençant, l'être humain cellularise. En cellularisant, l'être humain mute le corps physique. En mutant le corps physique, il vient un temps où l'être humain n'a plus besoin de faire la technique. Parce que le résultat, il l'a maintenant génétiquement chez lui. Premièrement, ça ne le lâche plus. Deuxièmement, c'est transmissible génétiquement chez les enfants. Ça ne le lâche plus dans le sens qu'il va toujours continuer de courir, mais ça ne le force pas. Non, il ne court plus. Après 10 ans où il n'a pas couru... Mais les muscles, ils sont restés en forme. Oui, pars après 10 ans qu'il n'a pas couru. Entraîne-toi, puis pars après. Tu ne le rattraperas pas. Le cheval n'a pas besoin de travailler pour se mettre en forme. Le chat, il dort tout le temps. Mais regarde la souplesse d'un chat. Le chien aura beau se pratiquer, il ne pourra pas être souple. Il aura beau dormir, ça ne sera pas mieux. Non, le chat monte sur la table, il ne t'en sort rien. Le chien monte sur la table, il jette tout à terre. Il n'y a pas le choix. Génétique. L'être humain, en mutant, cellularise des choses. C'est la même chose. Tu pratiques une démarche totale qui peut être, disons, comme le tai chi, pour ceux qui connaissent le tai chi, et tu bouges lentement. Bon, c'est ce qu'on voit dans les films, là, de Karate Kid, là, puis... C'est ça, bon. Alors, il regarde le livre, il pratique les gestes, il s'en va, il pratique ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après ce laps de temps, eh bien, la personne, bien souvent, n'a pas cellularisé parce qu'elle n'a pas intelligencé ce qu'elle faisait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Non. Ah, oh, ben c'est pour... ça me relaxe. Oui, mais la relaxation, tu ne la conserves pas génétiquement. On devrait faire du yoga. Tout le monde devrait vous inscrire à un cours de yoga. Et en faire pendant 6 mois. Et après ça, vous n'avez plus besoin de yoga de votre vie. Vos articulations... Vous voyez, moi, je ne pratique pas du yoga. Je ne pratique pas du yoga. Mais là, je place un pied ici sur une chaise, c'est un peu compliqué. Alors, je place l'autre ici, on la ramène un peu parce qu'il y a des gros côtés ici sur la chaise. Voilà. Je ne pratique pas du yoga. Et je prends l'autre pied et on le monte dessus aussi. Et je n'ai pas besoin de pratiquer. J'ai quand même 30 ans. Les articulations, elles sont correctes. Je peux rester comme ça un grand bout de temps. Je préfère des conférences comme ça, ça attirerait du public. Donc, Tu ouais, mais ça avec, ça tirait des Krishna. Bon. Mais là, t'en viens bien, là. C'est ça, lentement. Continue, ça marche. Ça, c'est un problème, c'est que l'homme nouveau va être chaud. Il y en a plein qui résistent, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Bon. Parfait, ça. Alors, on parle donc de cellulariser. Cellulariser, ça veut dire cesser de travailler pour rien. Hein? C'est ça, la mutation. Ouais, mais j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Le gros problème, t'as déjà fait ça quand t'étais jeune. Mais tu peux plus le faire. Et le problème, c'est que tu fais quoi? Tu vis d'une anti-mutation. Alors, je fais un petit détour, n'est-ce pas, pour rentrer un peu dans le cadre de la conférence. Il y a ceci, le vieillissement, qu'est-ce que c'est? On sait, nous autres, aujourd'hui, si la science, la médecine et pas mal tout le monde savons, qu'une cellule, ça se divise en deux, et ça crée 2 cellules plus petites qui vont grandir et créer 2 cellules, etc. Alors, quand on prend une cellule et qu'on la met, on prend par exemple un virus, virus du sida, bon, on le met dans une bouillon de culture, et dans 20 ans d'ici, on aura toujours du bouillon de culture de sida. Dans 3000 ans d'ici, si on le nourrit, on en aura toujours. Donc, la vie là-dedans est immortelle. La forme corporelle, elle ne meurt même pas, parce que la cellule qui se divise a créé 2 cellules, donc c'est elle. Ça se divise, elle en crée 2 autres, mais c'est elle. Quand ce sera des milliards, ce sera toujours elle. Ils ne sont pas morts. Toujours à partir de la même cellule. Mais ça se trouve, elle, qui, le même corps qui continue à proliférer. Il arrive ceci dans le corps humain, comme dans les corps des animaux, les corps des choses compliquées, complexes, qui ont une âme. Le végétal, en montant, a une âme. L'âme du végétal. Le végétal n'a pas d'ego. Il a une âme, pas d'ego. L'animal a une âme. L'herbivore a une âme avec un petit peu d'ego. Le carnivore a une âme avec un peu plus d'ego. Et puis, nécessairement, l'homme, il a de l'ego, puis il a une âme. C'est chaque niveau. C'est ça. Il arrive quoi? Il arrive que, quand je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'ego. J'apprends, j'acquiers de l'expérience et mémoire volatile. C'est accolé ensemble en agglomérat par l'expérience intra-amique, l'émotion. Et lentement, ça crée un ego. Et quand je m'identifie au maximum, l'enfant nouveau, c'est entre 6 ans et 9 ans, mais on parle de l'enfant ancien pour l'instant, ce qui a donné la majorité des humains, et moi compris, on mute et après on peut devenir un homme nouveau, même si on est déjà vivant. Vers l'adolescence, on s'identifie. À partir de ce moment donné-là, on va commencer notre processus de vieillissement. Plus de croissance jeune. Alors là, la texture de la peau va commencer à changer, la texture des cheveux va commencer à changer, la texture des ongles va commencer à changer, tout change. L'odeur du corps change, tout change. Pourquoi? Parce que l'être humain, le corps physique, et c'est le corps physique qui évolue, ce n'est rien d'autre que le corps physique. Oh, il y a l'esprit, mais l'esprit, ça n'évolue pas, l'esprit. L'esprit, ça laissait simplement d'avoir un véhicule matériel pour être exprimé, c'est le corps physique. En attendant, l'esprit a créé un clone extrêmement manqué, l'âme. L'âme, ça n'évolue pas, ça permet un contact entre l'esprit et le corps physique. Puis quand l'esprit veut descendre dans le corps physique, l'âme doit être éjectée. On appelle ça, évidemment, la finalité de la négoïsation et le contact entre les deux, entre l'esprit et le corps physique, c'est la fusion. Alors, il arrive simplement que, rendu à un certain âge, chaque cellule du corps physique qui évolue, elle doit cellulariser ton changement. Tu vis dedans ton corps. Donc, tu apprends des choses, tu expérimentes un paquet de phénomènes, et c'est cellularisé, et c'est là que tu commences à vieillir. Et c'est pourquoi on doit intelligencer ce que l'on fait pour ne pas vieillir jusqu'à un point de mourir. Et si on meurt, on se réincarne dans un autre corps, puis on recommence. Mais à un moment donné, il faudra recommencer. Mais on ne pourrait pas arrêter le vieillissement. On ne pourrait pas l'arrêter, le vieillissement, rendu à un niveau où ça serait suffisant. On peut même le rajeunir. Mais on va juste expérimenter, disons, voir le phénomène du vieillissement. La cellule chez l'enfant, elle se divise. Alors, tu as ta peau. À un moment donné, tu uses la peau. La cellule, elle se divise en deux parties identiques, du point de vue atomique et du point de vue de la constitution moléculaire. Et ça crée une autre cellule qui monte à la surface et puis ta peau reste là. Le bronzage s'en va, ton corps change un peu. Tu excrètes une partie de ton corps régulièrement, ce qui fait que tu manges pour le compenser, mais tu ne vieillis pas. À un certain moment donné, lorsque tu l'identifies trop au niveau de ton ego, tu commences à puiser de l'énergie vitale au niveau de ton corps physique pour pouvoir supporter la mémoire de ton ego et ton orgueil. Et le corps physique manque un peu de mémoire. Là, qu'est-ce qui va arriver au niveau des cellules mères? C'est que l'ego, c'est de la mémoire. Bon. Étant donné que l'ego, c'est de la mémoire, ça refuse tout ce qui est neuf. Et plus l'être humain vieillit, plus il a peur des choses neuves. Il aime bien sa maison, ses cossins, sa femme, ses enfants, son mari. Il a peur des séparations parce qu'il faut qu'il vive un monde nouveau. Il préfère s'emmerder, s'engueuler dans un monde connu. C'est plus sécuritaire, même si c'est souffrant. Alors, il va dans un autre pays, puis là, il amène son eau, il amène ses chums, il va dans Gringo Tenango, comme on a dans des pays, là, Québec Tenango, ce que tu plein de Québécois, même si tu es au Mexique. Et puis, il se retrouve entre lui, il a besoin, sa mémoire. Alors, étant donné qu'il veut conserver la mémoire, c'est que l'âme ne veut pas évoluer. L'âme veut se sécuriser, elle se sécurise dans un monde connu, qu'on appelle chez l'enfant le monde sécuritaire de l'enfant, mais ça devient aussi le monde sécuritaire de l'adulte, sa job, son petit café le matin, sa cigarette, son sandwich, le même restaurant. Bon, c'est l'habitude. Alors, il arrive quoi? Il arrive que le corps physique cellularise, lui aussi, l'évolution, mais là, l'ego refuse le neuf. Refusant le neuf, lentement, il manipule au niveau du code génétique, il manipule par le système hormonal, par un paquet d'autres phénomènes du point de vue du corps vital, toute la structure cellulaire, de la division cellulaire. Et là, on a une cellule qui accumule lentement des codifications énergétiques et cela engendre des mutations très, très, très, très petites au niveau de la chaîne d'ADN, au niveau des protéines et des sucres, les riboses et, bon, le désoxyribose. De la chaîne d'ADN, et ça engendre des petites mutations bien bénignes qui font que lentement, tu vas être plus calme. Est-ce que la mutation, c'est une amélioration ou un changement qui peut être pire ou moins pire? Il peut être d'un deux côtés, mais là, on parle de l'évolution. Alors, ça se cellularise ici. Il y a une cellule dans mon doigt là, qui est calme. Les autres ne sont pas encore. Fait que le doigt, il se promène. Mais lentement, toutes les cellules du doigt deviennent calmes. Mais le problème qui arrive, c'est quoi? C'est que la cellule est assujettie à ton ego, refuse de neuf. Alors, elle va maintenant commencer à se diviser plus rapidement qu'avant. Lorsqu'il y a un petit peu trop de mutations au niveau de son code, elle va briser la structure de la chaîne, elle va diviser la cellule en deux, et la mémoire atomique de la cellule mère, celle qui se divise, est juste suffisamment puissante normalement pour conserver la mémoire structurelle qu'elle était avant, et elle va rejeter dans la cellule fille toute son évolution. Alors, il y a la cellule fille qui va monter à la surface pour être rejetée. On pense que c'est les vieilles cellules. C'est les cellules filles. La cellule qui les crée, elle reste en dedans. Puis elle la crée, puis elle pousse, puis elle crée, puis elle pousse, puis elle crée, puis elle pousse. C'est les cellules jeunes qui arrivent à la surface et qui vont sécher là, qui vont mourir. Même chose pour notre sang, même chose pour tout le système de notre corps physique. Et là, ce qui arrive, c'est que la cellule finit par se diviser, mais la division cellulaire est maintenant un excrément. Elle excrète l'évolution. C'est un refus du changement. Et étant donné qu'elle se divise plus rapidement qu'antérieurement, elle épuise son potentiel d'énergie vitale. Donc, premièrement, elle n'accepte pas l'évolution, donc elle n'accepte pas le changement, ce qui fait qu'elle tend à conserver sa même forme. L'enfant change beaucoup plus que l'adulte. Deuxièmement, perdant de l'énergie vitale à travers sa multiple division cellulaire et la conservation d'énergie vitale pour pouvoir conserver son code génétique, elle épuise son code vital. Et épuisant son code vital, lentement, elle perd la faculté de se reprocréer. Et perdant la faculté de se reprocréer, elle n'a plus suffisamment d'énergie vitale pour se sauver de l'évolution. Elle le codifie, mais elle ne peut plus se séparer, mais elle a vieilli parce qu'elle manque d'énergie vitale, alors elle perd lentement de sa mémoire. Et deuxièmement, elle va même plutôt mourir. Le corps va simplement l'éliminer et la tuer, de façon à ce que l'évolution ne soit pas trop cellularisable. Là, c'est une cellule fille qui va la remplacer, qui va devenir la cellule mère. C'est ce qui devrait. C'est pas ça. Bon, c'est vrai seulement au niveau des corps physiques, c'est-à-dire que quand le corps a trop la faculté de cellularisation, normalement, l'ego le rejette, et quand le corps est rejeté, l'individu meurt. Et tu parles de cellule fille, effectivement, c'est une fille, un enfant. Elle va pouvoir conserver, si tu l'as eu pendant que tu avais une cellularisation au niveau de ton code génétique, avant le rejet du corps physique ou le rejet des cellules en question, l'enfant risque d'avoir, de supporter génétiquement ton évolution. Alors donc, l'être humain finit donc par vieillir parce qu'il y a le refus de la mutation. Et comment on peut parvenir à muter? On doit parvenir à muter en instruisant son ego, en instruisant le cave. Il faut lui dire qu'il va y avoir des changements puis qu'il ne faut pas que ça le surprenne, il ne faut pas que ça le dérange. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligencer son action. On en a déjà parlé, mais là, on en parle de façon plus enlignée. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois le faire en fonction d'une cellularisation. C'est-à-dire en fonction d'une mutation, en fonction d'une évolution améliorative, en fonction d'une évolution tout court. Et pourquoi? La grosse question fondamentale que l'être humain peut poser, une question qu'il ne devrait jamais poser, c'est à quoi ça sert d'évoluer? Bon. Parce qu'à un moment donné, j'ai donné un séminaire sur l'organisation et puis on expliquait l'idée, on s'organisait pour arriver à mieux vivre. Bon, alors, tu travailles, et les gens posaient la question, oui, mais à quoi ça sert de travailler, de se mettre en forme, d'avoir une bonne santé, de devenir un athlète, de ramasser de l'argent, d'avoir une maison, d'avoir deux automobiles, d'avoir des enfants qui vont te sacrer à un moment donné, d'avoir une femme, d'avoir un mari, et puis finalement, de travailler pour tes vieux jours, de perdre tes chums meurs, puis on s'en va, puis à un moment donné, c'est toi qui meurs. À quoi ça sert de tout faire ça pour mourir? Et moi, je répondais, effectivement, oui, à quoi ça sert de venir au monde, d'être dans une famille, d'avoir un corps de vous malade, de ne pas être en forme, de ne pas être capable de courir, de jamais avoir d'argent, d'être le bien-être tout le temps, puis mourir. Mieux d'être riche et en santé que pauvre et malade. Bon, tant qu'à quoi ça sert ça, puis ça, j'aime autant, tant qu'à être là de toute façon, le faire en santé et riche, que de le faire pauvre et malade. Maintenant, l'être humain qui pose la question, à quoi ça sert d'évoluer? Premièrement, l'évolution n'est pas entre les mains de l'homme, ça n'y appartient pas pantoute, ça ne regarde pas l'homme. Alors, l'être humain n'a absolument pas le choix, ça vous regarde absolument pas l'évolution. L'être humain évolue, mais ce n'est pas de sa faute. Et l'être humain évolue, c'est un fait, l'être humain évolue et ça ne concerne pas pantoute. C'est ça qui est relativement compliqué. C'est que l'ego, ce qui est le « je », le « moi », on l'a vu dans le début, l'ego, c'est ce qui s'identifie à la présence spatio-temporelle de l'homme dans son contexte évolutif. L'ego, c'est ce qui pense à être la chose. La chose qui comprend, la chose qui doit aimer, la chose qui doit être aimée, la chose qui a au moins une importance cosmique, soit par rapport à un dieu, à une énergie, à un extraterrestre, à un patoff, à quelque chose. Bon, l'ego, c'est quelque chose qui doit avoir un but dans la vie, doit être utile aux autres aussi, doit se nourrir. Et cet ego-là, le gros problème, donc le je et le moi chez l'homme, c'est la partie qui doit carrément être annihilée, doit être détruite. Il y a l'esprit que vous ne connaissez pas plus qu'il faut, on la connaît un peu. Mais pas tellement, parce que du moment qu'on la connaît, on l'expérimente, et puis là, du point de vue de la pensée, on y repense, on philosophie, etc. L'ego nous joue des tours. Oui. Il y a l'esprit et il y a le corps physique. Et entre les deux, il y a l'âme, les mémoires volatiles et l'ego. Alors, lorsque l'être humain mange, il dit « Tiens, je vais manger ça, ça, j'aime ça. » Pas le corps physique qui aime ça, c'est l'ego. Alors, l'ego pense par-dessus le corps physique et détruit lentement le corps physique. Alors, nécessairement, l'ego doit être totalement manipulé par le monde de la mort, manipulable par l'intelligence supramentale, pour qu'il ne détruise pas trop le corps physique. Et c'est pourquoi, à travers la structure évolutive des humanités, on va engendrer des théorèmes, des théories, des spiritualités, de l'alimentation, par exemple, le végétarisme. Le végétarisme, ça l'a rendu beaucoup plus de personnes malades que le cannibalisme. Bon, et en plus, le cannibalisme, tu... C'est moins épeurant, par exemple. Ben oui. C'est mieux voir partir d'un végétarien qui court après moi qu'un cannibale. Les végétariens qui sont violents, ne mangeront pas, mais ouais. C'est tout. Alors, il y a donc différents prototypes philosophiques qui permettent à l'individu, de, sans savoir c'est autre chose qui lui arrive, d'enligner, de travailler son corps en fonction de le préserver. La première loi de Dieu a été procréer. Croissez, multipliez-vous. Faites des corps physiques, torieux, l'intelligence en a besoin. Et il y a eu d'autres lois par la suite pour nourrir les égrégores du monde de la mort, de façon à ce que l'ego reste tout le temps en contact avec un égrégore particulier, de façon à être manipulé par l'égrégore, qui, lui, est manipulé par des forces d'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que le rôle de l'ego dans l'évolution mutative? Ben, c'est de maintenir le corps physique en vie, et à travers la vie du corps physique, de permettre au corps physique de muter. En mutant, le corps physique change. En changeant, il est capable de plus, de supporter mieux d'un contact. Je donne un exemple. À un moment donné, je discute avec des gens. Et puis, la personne, elle me dit, « Ah, ce qu'on parle là, c'est dur, tu sais, c'est hot. » Il parle en anglais, « Oh, c'est des Québécois, bon. » C'est chaud. En réalité, c'est haut, c'est énergétique. C'est hot. Puis là, j'ai de la misère à tenir, tu sais, c'est à votre mouche. Je comprends, mais ça me demande un effort. C'est trop hot. C'est ça. Ça demande un effort. Pourquoi ça demande un effort? Parce que le corps physique n'est pas suffisamment muté pour être capable agréablement de supporter le travail du système neuronique et du système endocrinien. Mais si on fait ce travail-là souvent, à un moment donné, tu vas, là, je me suis habitué. Non, c'est faux. Tu as muté. Et maintenant, ça devient un plaisir. Et là, maintenant, on peut passer à un autre niveau de discussion. Tu vas recommencer à retrouver la même fièvre. Qu'est-ce qui arrive normalement? Je dis, moi, que la cigarette, ceux qui fument, bien souvent, en ont besoin, ça les terrestrifie. En québécois, ça les ground. Bon, ils sont groundés. En français. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu décides d'arrêter de fumer. Et puis là, tu te fais voler ton char. Tes cigarettes sont dedans. Là, c'est correct. Mais tu as un paquet de cigarettes de réserve. Oui, en cas de panique, dans ta poche. En cas que tu te fais voler ton char. Donne à ton chum. Bon. Ah ouais. Il arrive quoi? Il arrive simplement que là, tu dois vivre une situation événementielle qui vient de te faire voler ton char. C'est démentiel et événementiel. Et cette situation-là, elle est initiatique. Elle permet la cellularisation. Alors, il se passe tout un paquet de phénomènes au niveau de ta tête et de ton système endocrinien, et c'est là que tu cellularises. Mais le corps physique n'étant pas suffisamment solide, il y a trop d'énergie chez toi, et tu dois baisser ce taux d'énergie. Tu le baisses en mangeant du bol de pinot, tu le baisses en faisant l'amour, tu le baisses en buvant de l'alcool. Et là, si ta femme t'es dans l'auto, t'es faite. Ah ben oui. Ou tu le baisses en fumant. Tu fumes. Alors, il va arriver que là, ben, tu voulais arrêter de fumer, mais là, c'est vraiment pas le temps. Tu fumes. Pourquoi? Parce que si tu ne fumes pas, tout ton corps est en train de muter. Et c'est un exemple de la mutation. Ton corps est en train de muter. Ton corps étant en train de muter, nécessairement, le corps changeant, l'ego ne le lit plus comme il le lisait avant. L'ego ne le reconnaît plus. Comme lorsque la femme a sa ménopause, elle ne se reconnaît pas. Le corps change endocrinalement parlant, et l'ego qui s'exprime dans le corps ne lit pas la même chose. C'est comme tu as une télévision en couleur et tu as une caméra. Tu te filmes, tu te vois, tu crimes, c'est moi. Pouf, voilà, mon noir et blanc. Tu ne reconnais plus tout. Et là, tu comprends pas ce qui t'arrive. Il t'arrive à rien, mais vu que l'ego ne se connaît que par l'expression de son corps, il ne se reconnaît pas. Alors, étant donné que tu es en train de muter, le corps change, l'ego ne se reconnaît sans pas, ça déclenche une panique chez lui. Une panique qui va être exprimée par de l'impatience, de la colère, de la nervosité, l'idée, donc, l'insécurité, parce que tu ne reconnais pas ce qui se passe. La personne cesse de fumer, elle se fait voler son automobile, elle exprime cela. Elle devrait résister, respirer. Ouais, c'est pas ça qu'elle devrait faire. Là, elle va manger, sécuriser. Elle va crier, vouloir s'exprimer, se reconnaître. Moi, j'ai lancé ça, c'est moi. Je suis donc là. Je casse des verres, donc j'existe. Dans l'Antiquité, on disait « je pense », mais c'est la même chose. Parce que quand tu penses, ça n'a rien à voir avec toi. Mais maintenant, l'être humain va, à un moment donné, bon, refumer. En refumant, il baisse sa vibration, bloque la mutation ou l'atténue énormément. L'atténuant ou la bloquant, le corps change plus trop ou change plus, et il se reconnaît. Ah, ben c'est mieux, là, c'est ça calme. Ça me dérange pas. Ça Mais en réalité, l'être humain devrait s'organiser mais pour... Mais si ça t'a dérangé de te faire voler ton auto, il faudrait que tu l'exprimes librement, c'est ça? Faudrait que tu... Ou que, c'est-à-dire, si tu as le goût de l'exprimer, c'est pas nécessairement le goût... Non, c'est-à-dire que si on te permet d'avoir le goût de l'exprimer... Oui. Il faudrait pas que tu fumes, puis il faudrait que tu survives ça. Voilà. L'être humain n'a pas de libre arbitre. Par contre, l'être humain peut contrôler son corps, au niveau de la mutation, comme au niveau de bien des choses. Libre arbitre, non. Vous êtes en train de muter, et vous avez en même temps un ego qui fait tout pour vous empêcher de muter. On parlait de la limitation du corps tout à l'heure, qui était le problème. Donc, je reviens juste un petit retour là-dessus. L'importance du corps physique, c'est que même si ça nous rend l'évolution très lente, ça nous rend aussi l'involution très lente. La journée que tu as une mauvaise journée, que tu cries tout puis que tu veux tout casser. Une journée ordinaire. Une journée ordinaire. Une chance que tu as ton corps physique. Parce que si tu n'aurais pas ton corps physique, tu évoluerais fou, toute vitesse. Le corps physique t'empêche d'avancer vite. Mais le corps physique aussi est garant de ce que tu es. Avoir un corps physique très, très malléable, la journée qu'une énergie malsaine te ramasse, tout est transformé, tu es immédiatement tout à fait démoli. Alors, le corps physique doit être solide. C'est pourquoi le conditionnement physique est important. C'est pourquoi il y a un paquet de choses, une bonne alimentation. Parce que le corps physique est garant de ton anti-involution, de ta stabilité. Même s'il t'empêche d'avancer vite, ce que tu gagnes, tu ne le perds pas à cause du corps physique. Alors, on revient donc avec cette cellularisation. Tu te fais voler ton automobile, tu une maudite cigarette, ce serait bon. Ce que tu dois simplement faire, c'est intelligencer l'idée. C'est con. Je vais en prendre une, mais c'est con. Et juste ça, même si tu la fumes, juste le fait que tu mets de l'intelligence, c'est pourquoi l'être humain n'a pas de barbite, mais l'intelligence, c'est de l'intelligence fondamentale, c'est de l'esprit. C'est con. Je ne suis pas con. Je suis manipulé, pas con. Mais c'est con. J'en prends une pareille, mais c'est idiot. Mais pas émotivement. Maudit, c'est con! C'est pas ça qu'il faut faire. C'est con. Ça fait du bien, mais c'est con. Dis pas un jour m'arrêter. C'est de l'ego. Concept sur concept, problème à l'intérieur, culpabilité à moyen terme. C'est con. C'est con. Tu prends ta cigarette, puis tu t'occupes de tes bébelles. Chaque chose que l'être humain fait, s'il l'intelligencie, il le codifie, il mute. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi? On revient à la deuxième partie dans une quinzaine de minutes, et puis on continue. Il en reste ici qu'on répondra tant. Ah oui. Il y a encore trois véhicules qui vont avec vous.